La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau, a dit, il y a un peu plus d'un siècle, le russe Konstantin Tsiolkovsky, considéré comme le père de la cosmonautique moderne. Depuis, sa phrase a été beaucoup reprise, comme une prophétie ou une évidence. Mais se pourrait-il vraiment qu'un jour, pour survivre, pour éviter la surpopulation, ou par curiosité, des femmes et des hommes embarquent à bord de vaisseaux pour aller coloniser des mondes lointains? Ce n'est clairement pas pour tout de suite, mais les humains n'ont pas renoncé à l'idée de s'éloigner un jour de leur berceau. Ces dernières années, une course s'est engagée pour retourner sur la Lune. La prochaine étape pourrait être un vol habité vers Mars, à moins que ce ne soit vers une comète ou un astéroïde. Et après, sur quoi déboucheront ces premières missions d'exploration? Des hommes et des femmes se feront-ils un jour une place dans l'espace, ailleurs que sur Terre? Sylvain Chatty, astrophysicien à l'université Paris Diderot, aborde la question dans un livre qui vient tout juste de paraître chez CNRS Éditions, intitulé « La colonisation de l'espace ». Et cet après-midi, il nous emmène loin dans un voyage cosmique et futuriste. France Inter. Five, four, three, du vent two, dans les synapses. One, Daniel Fievé. Mon nom est Stephen Hawking. Je suis convaincu que les humains doivent quitter la Terre. Nous devons utiliser notre curiosité et notre intelligence pour regarder vers les étoiles et nous installer sur une nouvelle planète. Notre curiosité naturelle nous pousse vers de lointaines planètes. Au cours du siècle à venir, nous allons embarquer pour notre plus grande aventure. Notre destin est dans les étoiles. Espace, nous voilà. La voix synthétique du physicien Stephen Hawking, interrogé peu avant sa mort pour le documentaire « En quête d'une nouvelle Terre ». Bonjour Sylvain Chatty. Bonjour. Vous pensez, comme Stephen Hawking, qu'un jour les humains devront quitter la Terre pour survivre ? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui pourraient pousser les humains à partir de la Terre. Maintenant, la question qui suit, c'est est-ce que vraiment il y a un endroit qui pourrait accueillir les humains? Alors d'ailleurs, Stephen Hawking, dans la petite interview, le petit extrait qu'on vient d'entendre, dit c'est pour dans un siècle. Il est très ambitieux là quand même. Hein. On est dans des futurs beaucoup plus lointains, non? Je crois que ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Établir une base sur la Lune, c'est possible dans, j'imagine, une décennie, deux décennies peut-être. Établir une base sur Mars, pourquoi pas dans un peu plus longtemps. Après, établir une base avec des gens qui sont sélectionnés drastiquement pour y survivre, c'est pas pareil que aller envoyer 1 million ou 2 millions d'humains quelque part. C'est pas la même chose. Alors on va y aller progressivement hein, dans cette émission. On va commencer par le plus proche, le plus probable. Hein, la prochaine étape, c'est le retour sur la Lune. C'est la moins hypothétique aussi. Plusieurs pays ont pour ambition d'envoyer un homme ou une femme sur la Lune. Qu'est-ce qui participe à la course ? Alors en fait, il y a beaucoup de nations en effet qui participent, beaucoup d'agences spatiales. Les premiers pour l'instant qui participent, c'est les Chinois, qui sont en tête à la course à la Lune, mais pour l'instant, ils n'envoient pas d'hommes ni de femmes, ils envoient des robots qui s'en sortent très bien sur la Lune. Ils prévoient en effet, dans leur plan de vol, on va dire, d'envoyer des humains, mais c'est pas encore pour tout de suite, et les prochaines missions sont uniquement robotiques. Ensuite, il y a évidemment les Américains qui ont des programmes aussi, mais pour l'instant, il y a rien de très concret dans leur atterrissage ou alunissage d'un prochain humain. Ils veulent que ce soit d'ailleurs une femme qui poserait le prochain pied sur la Lune, mais donc c'est pas tout de suite, c'est pas avant 2035. Alors, ils sont quand même un peu plus précis que vous ne l'êtes. Hein. Il y a ce projet baptisé Artemis. Ça consiste en quoi? Vous le détaillez très bien dans votre ouvrage. Oui, alors je suis un peu moins précis là parce qu'en fait les dates glissent régulièrement, donc c'est un petit peu difficile d'être vraiment précis sur ce projet. En effet, il s'agirait de construire un lanceur qui pourrait aller vers une base qui serait en rotation, en orbite autour de la Lune, et de là avoir un petit module qui irait de cette base-là jusqu'à la Lune. Donc là, c'est un peu, on va dire, le prolongement. Actuellement, il y a la Station Spatiale Internationale qui tourne autour de la Terre. Là, on aurait une station spatiale qui tourne autour de la Lune. C'est un peu la nouvelle version. C'est exactement ça. Au lieu d'être à, en gros, 400 km de la Terre, on serait à 350 000 km. Mais ça serait, en effet, des gens qui seraient dans une station et qui resteraient dans la station la plupart du temps. Avec la possibilité, parfois, d'envoyer un petit module faire une petite excursion sur le sol lunaire. Voilà, exactement, et en vue de préparer probablement l'établissement d'une base plus stable, on va dire, sur la Lune, qui resterait avec des gens qui pourraient rester plusieurs jours, voire semaines. Alors il y a cette idée, hein, là ce sont les Américains, et puis il y a cette idée évoquée par l'Agence spatiale européenne d'un village lunaire. Alors là il s'agit d'une plateforme collaborative, hein, où plusieurs agences spatiales mondiales pourraient participer. On est bien sur le sol lunaire là, mais c'est un projet, ça a un début de financement, c'est quoi exactement? Alors, le village lunaire? Le village lunaire, c'est une idée qui est partie de l'Agence spatiale européenne, mais qui pour l'instant n'est pas financée. Donc l'idée en fait pourrait partir de certaines missions qui sont déjà prévues, comme par les Américains par exemple. Mais l'idée serait là en effet d'établir une base sur laquelle se trouveraient en permanence des humains, peut-être aussi des robots, mais en tout cas une complémentarité entre humains et robots. Il serait construit où, ce village lunaire, s'il voit le jour? Alors, pour l'instant, ce qu'on envisagerait, c'est de construire près des pôles lunaires, probablement le pôle sud lunaire. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un ensoleillement quasi permanent, parce que sinon, le jour dure 14 jours terrestres sur la Lune, et la nuit aussi, du coup, donc on décharge les batteries si on n'a pas de soleil. Donc là, on aurait un ensoleillement quasi permanent au pôle sud, et en plus, il y a de l'eau au fond des cratères polaires du pôle sud de la Lune. Donc on peut extraire cette eau qui nous permet d'avoir de l'oxygène, du coup de respirer, et même aussi de fabriquer des carburants en fait pour les fusées. Donc c'est un avantage qui est double. Il y a de l'eau sur la Lune, mais en quelle quantité? C'est de l'eau à l'état de glace? Tout à fait, c'est de l'eau à l'état de glace, parce qu'il fait moins 150 degrés sur la Lune quand on est à l'ombre. Et là, c'est justement de l'eau qui est au fond des cratères lunaires, donc c'est-à-dire que c'est de l'eau qui est jamais éclairée par le soleil. Et il y en a pas une quantité énorme, mais il y en a assez pour que l'homme puisse l'utiliser pour en effet extraire l'oxygène. Il y a d'autres ressources exploitables sur la Lune ? Ah, il y a plein de ressources, puisqu'en fait la matière lunaire est très proche de la matière terrestre, donc il y a beaucoup de ressources qui seront utiles pour fabriquer des carburants, pour fabriquer ce qui va permettre de construire la base lunaire, les bâtiments, tout ça. Donc il y a plein de ressources utiles. Alors quel serait le but de ces missions lunaires? Parce que utiliser les ressources pour construire les murs de la base, bon d'accord, mais on irait pour quoi faire? Alors, il y a plusieurs buts. Il y a des buts scientifiques. On peut se dire qu'on va étudier la Lune, voir exactement comment elle a été créée, ce qu'elle renferme comme ressources justement, et comment on pourrait y survivre. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est d'établir une colonie permanente pour potentiellement mettre des humains si la Terre, par exemple, n'est plus vivable. Ça, c'est une possibilité. Alors, avant que la Lune soit plus vivable que la Terre, il aura vraiment fallu vraiment beaucoup, beaucoup endommager la Terre. Oui. Tout à fait. Oui, on est encore très loin de ça. Ouais. Et la troisième possibilité, c'est que on peut l'utiliser comme base de lancement, puisque la Lune ayant une gravité beaucoup plus faible que celle de la Terre, on peut lancer des fusées de la Lune pour beaucoup moins cher que depuis la Terre. Donc ça pourrait être la base de départ, comme un spatioport pour des missions dans le système solaire. Ouais, c'est le marchepied, c'est le tremplin, pour le dire plus joliment. La Lune, c'est un peu vu à la fois comme un site d'entraînement et à la fois comme une étape vers un ailleurs plus lointain. Tout à fait. On peut imaginer que si un jour on établit une colonie sur Mars, eh bien les vols partiront de la Lune. Ouais. Alors l'idée que Mars est l'étape qui suit après la Lune était déjà dans les esprits après le premier pas de Neil Armstrong en 1969. Écoutez les astronautes de la mission Apollo 11 lors d'une conférence après leur retour. Je crois qu'un vol vers Mars est réalisable techniquement parlant et dans un proche avenir. Je crois pas que ça prendra autant de temps que nous pensons. Historiquement parlant, nous avons toujours sous-estimé nos capacités d'expansion des frontières de l'humanité. Je crois que la technologie permettant de se rendre sur Mars sera véritablement une réalité vers 1982. Je pense que nous disposerons des possibilités, des capacités même, pour nous lancer dans une expédition interplanétaire vers les années 80. Sylvain Chatty, je vous vois sourire. En 1969, on pensait que le premier pas sur Mars aurait lieu dans les années 80, même 82 très précisément. En fait, ça fait 50 ans que l'on dit que l'on va aller sur Mars dans les 15 prochaines années. Oui, c'est ça. Moi, je viens de lire un livre qui s'appelle « Kepler, le chien des étoiles » d'Henriette Chardac. Et ce livre a été écrit en 1989. Et à la fin du livre, il y a un épilogue où il y a des humains sur Mars. et ces humains sur Mars sont en 2019. Mmh. Donc en effet, on croit toujours que dans 20 ou 30 ans, on sera sur Mars. Mais alors comment ça s'explique? Ça veut dire qu'on a sous-estimé l'ampleur du défi que représente un vol habité vers la planète rouge? Probablement, oui. Je pense qu'en effet, c'est beaucoup plus facile d'aller sur la Lune que sur Mars. Et pourtant, c'est déjà très difficile d'aller sur la Lune. Sur Mars, il y a d'autres choses qui sont incompressibles, comme le temps de voyage. C'est 6 mois pour y aller. Et pendant ces 6 mois, on se prend des rayonnements du Soleil, qui sont des rayonnements de particules ionisantes énergétiques, qui sont très dangereuses, qui provoquent des mutations, qui provoquent des cancers. On en est protégé sur Terre avec les ceintures de rayonnement qui entourent la Terre, grâce au champ magnétique terrestre. Mais quand on est dans l'espace, on n'est pas protégé de ça. Et donc on se prend ça pendant 6 mois, ce sont des doses létales. Ouais. Alors le facteur limitant dans cette histoire, c'est l'humain qui ne résisterait pas à un tel voyage? Ou est-ce que c'est aussi qu'on n'a pas la technologie, on ne sait pas construire des vaisseaux qui peuvent de façon autonome parcourir l'espace pendant 6 à 8 mois pour se rendre vers Mars? Puis après, il faut prévoir le retour si on prévoit de revenir. Ah non, des missions sur Mars, on en fait régulièrement. Et les robots résistent sans aucun problème au rayonnement cosmique, ça, il n'y a pas de souci, et au vent solaire. Donc ils résistent à un voyage de 6 mois, ils résistent sur la planète Mars pendant des années. Et, ce qu'on n'a pas fait encore, c'est les faire revenir. Ça, c'est toujours plus compliqué. C'est plus compliqué de revenir de Mars que de la Lune, parce que Mars a une gravité plus forte que la Lune. Oui. Donc jusqu'à maintenant, on sait y aller, on ne sait pas revenir, et les vaisseaux qui transportent justement les petits rovers ou les sondes qui ensuite se mettent en orbite autour de Mars sont quand même beaucoup plus petits que ne serait un vaisseau qui transporterait des humains. Bien sûr, oui. Oui, tout à fait. C'est ça, d'ailleurs, le souci, c'est que, on peut, en fait, lancer quelque chose de lourd, c'est très cher. Et en plus, quand on lance des humains, il faut beaucoup plus de protection que quand on lance un robot. Mmh. Des missions sur Mars qui ont échoué, il y en a plein. Donc, c'est pas pareil de perdre un robot, même si c'est de l'ordre du milliard de dollars, et donc ça fait mal aux laboratoires qui l'ont conçu, que de perdre des humains. Donc, on n'a pas le même risque politique. Ouais. Et puis aussi les risques psychologiques, parce que, en fait, on n'a aucune idée de l'état psychologique dans lequel se trouveraient ces équipages qui partiraient pour un voyage relativement long vers Mars. Tout à fait. En fait, il suffit pour se rendre compte de ça, il suffit de regarder la planète Mars dans le ciel. C'est un tout petit point rouge. Qui est à peine visible d'ailleurs quand on habite à Paris ou dans une grande ville de France, eh bien si vous étiez sur Mars, vous verriez la Terre à peu près de la même manière. Vous verriez un petit point dans le ciel à peine discernable par rapport aux autres étoiles. Donc ça, je pense que psychologiquement, en effet, c'est pas facile. Mmh. Aujourd'hui, dans quelle mesure les agences spatiales du monde y réfléchissent sérieusement à ce voyage habité vers Mars? Alors il y a certains projets qui existent pour essayer de voir comment les astronautes pourraient survivre à des séjours comme ça de 6 mois dans l'espace, puis ensuite arriver sur Mars, voir ce qu'ils pourraient faire exactement concrètement. Il n'y a pas pour l'instant de mission de prévue, c'est-à-dire financée pour envoyer des humains sur Mars. Les seules missions, il y a des missions européennes, missions américaines et même d'ailleurs indiennes pour envoyer des robots sur Mars, mais pas des humains. Ouais. Une fois arrivés sur Mars, les cosmonautes ne seraient pas au bout de leur peine. Hein. Vous allez nous dire dans un instant, Sylvain Chatty, comment se déroulerait un séjour sur la planète rouge et comment certains imaginent possible de pouvoir coloniser un jour cette planète. Allô, ici Tintin. Je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le SAS. Dépressurisation du SAS. Attention, tienne, ouverture de la porte. Oh, quel spectacle hallucinant! France Inter. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Du vent dans les synapses. We are all made of stars, c'était Moby. France Inter. On a un problème, Houston. Du vent dans les synapses. Et Houston, on a un problème. Daniel Fievé. L'engin sera éjecté du vaisseau spatial et ira atterrir sur Mars. Que trouvera-t-il ? N'oublions jamais que nous ne savons pas exactement, au fond, ce qu'il y a sur Mars. Il y a des gens pour vous dire que l'atmosphère de Mars, très différente de la nôtre, sera mortelle. Après tout, je suis en droit de dire, qu'en savent-ils ? En tout état de cause, il faudra donc que l'homme y aille vêtu de pied en cap, d'un scaphandre, d'appareils à oxygène, mais qui sait, peut-être parmi ces premiers astronautes, un être en désespoir d'amour ou rendu fou, ayant le mal de Mars, enlèvera-t-il son scaphandre et ses voisins stupéfiés s'apercevront-ils qu'il ne meurt pas ? Voilà comment en 1961, le chroniqueur et écrivain Serge Groussard s'amusait à rêver les premiers pas de terriens sur Mars. Alors Sylvain Chatty, en 1961, on savait déjà que l'atmosphère de Mars serait irrespirable pour un humain. Là, il exagère un petit peu Serge Groussard avec son scénario. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'atmosphère de Mars, elle est très ténue. On le savait par des observations déjà spectroscopiques. Donc, en effet, c'est pas respirable. On mourrait rapidement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette atmosphère exactement ? De quoi elle est composée ? Alors, elle est composée principalement de, il y a beaucoup de dioxyde de carbone. Donc, c'est pas respirable. Mais c'est surtout qu'elle est très ténue. En fait, ça correspond à l'atmosphère qu'on aurait si on était à 50 km d'altitude sur Terre. Donc, en gros, à peu près, quasiment l'équivalent. Si vous êtes dans un avion, vous sortez de l'avion. Vous avez plus de pression du tout, quasiment pas d'atmosphère. Donc il n'y a quasiment pas de pression atmosphérique, pression très faible. Ça veut dire que Mars n'a jamais eu d'atmosphère ou que Mars a laissé s'échapper son atmosphère. Voilà, tout à fait. En fait, c'est l'une des grandes questions et on pense aujourd'hui que, en effet, Mars a eu une énorme atmosphère épaisse au début de sa vie et que cette atmosphère elle l'a perdue. Et on pense que c'est probablement parce que son champ magnétique est très faible et que donc les particules solaires ont en fait fait éjecter les particules qui composaient l'atmosphère martienne. Mais pendant combien de temps Mars a-t-elle eu une atmosphère ? Alors on pense que probablement jusqu'à de l'ordre de 1 milliard d'années, 1-2 milliards d'années, elle a eu une atmosphère. On sait qu'il y a de l'eau liquide en grande quantité qui a coulé sur Mars. On a même des évidences qu'il y a eu des tsunamis sur Mars. Donc il y a eu beaucoup d'eau liquide comme il y a sur Terre. Autrement dit, Mars et la Terre, dans les premiers temps de leur vie, se ressemblaient vraiment beaucoup. Tout à fait. D'ailleurs, il y a même, on pense, l'une des théories sur l'origine de la vie terrestre serait que la vie serait d'abord apparue sur Mars et qu'elle aurait pu ensuite arriver en transport interplanétaire jusqu'à la Terre. Ce qui ne résout rien, hein, parce qu'on se demande comment la vie est apparue sur Terre. Si elle est apparue sur Mars, on ne sait pas plus comment ça s'est produit. Exactement. Ouais, on ne fait que décaler le problème. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Mars ? Sa gravité, la gravité est moins importante que sur Terre. Tout à fait, la gravité est moins importante. Mars est deux fois plus petit que la Terre, donc la gravité est moins importante. Ce qui d'ailleurs aussi poserait des problèmes aux humains, parce que en fait, ça pose des problèmes aux os, aux muscles. Alors, vous n'êtes pas en impesanteur, mais quand même, vous auriez besoin de faire beaucoup d'exercices pour contrebalancer ça. Ouais. C'est 38% de la gravité terrestre. On se sentirait beaucoup plus léger si on marchait à la surface de Mars. Ah, tout à fait. Alors, vous ne feriez pas des sauts comme sur la Lune, mais vous pourriez sauter, en effet, assez haut. Ouais. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour s'échapper de l'attraction. S'il faut prévoir le retour, si on imagine que des hommes y vont, y mettent le pied, et qu'ils décident de rentrer, si la gravité n'est que de 38% de celle de la Terre, ce sera plus facile de redécoller et de revenir. Tout à fait, c'est plus facile que de la Terre, mais c'est beaucoup plus dur que de la Lune. Et oui. Donc c'est ça le problème, et en effet on ne l'a jamais fait pour l'instant, on n'a jamais redécollé de Mars. Aujourd'hui on n'a pas la technologie pour... Ben c'est surtout que il faut emmener beaucoup de matériel pour le faire, et du matériel qui est assez lourd, et ce qui est lourd est cher dans l'espace. Ouais. Donc ça augmente beaucoup le coût des missions, en fait. Ouais. La température sur la planète rouge ? Alors, il fait entre moins 100 degrés l'hiver et un bon petit 0 degré l'été. Il y a des saisons, donc. Il y a des saisons martiennes. À peu près similaires à celles de la Terre. Ouais. La durée du jour est similaire à celle de la Terre. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont assez similaires. C'est sympa pour faire du trekking parce que vous avez des grands paysages au milieu de canyons et de volcans le plus grand du système solaire. Donc, c'est sympa. Les sommets sont pas embouteillés. Donc, ceux qui aiment bien ça peuvent aller sur Mars. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, les reliefs de Mars. On les connaît très bien du fait qu'on a envoyé tous ces petits rovers à la surface. Donc ça remet presque un peu en cause l'intérêt d'y aller. Beaucoup disent, mais en fait, si l'homme va sur Mars, il va y avoir une impression de déjà-vu terriblement décevante parce qu'on a déjà des images comme si on y était allé pour de vrai. Oui, c'est vrai. En fait, Mars est bien plus cartographié que ne l'était la Lune lorsque Armstrong a posé le premier pied. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Oui, on connaîtra déjà Mars. Alors, il y a à la surface de Mars quand même des petits tourbillons, beaucoup de vent. Vous dites dans votre livre, il y a beaucoup de vent. Alors que vous nous avez dit, il n'y a quasiment pas d'atmosphère. Comment il peut y avoir du vent s'il n'y a pas d'atmosphère? En fait, parce que le relief est assez plat quand même. Donc du coup, dès qu'il y a du vent, ça peut rapidement... Il y a des tempêtes de sable qui peuvent couvrir la globalité de la planète Mars en quelques jours, semaines. Ouais. Et donc, en fait, on a en effet des tempêtes qui sont... Nous, on ne ressentirait pas un vent très fort, mais le sable, quand même, se promène sur la planète. De quoi ? Donc, il y a ce sable à la surface de Mars. De quoi est fait le sol ? Vous nous avez dit, il y a bien longtemps, il y a eu de l'eau liquide qui a coulé à la surface de la planète. Aujourd'hui, il y a encore de l'eau sur Mars ? Alors, il y a de l'eau sur Mars, mais c'est de l'eau sous forme de glace. Ouais. On a des calottes polaires au nord et au sud de la planète Mars. Et on est quasiment sûr qu'il y a aussi de l'eau sous forme de glace dans le sous-sol martien. Oui. De l'eau qui pourrait être de l'eau liquide dans le sous-sol. On m'a parlé de lac salé. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait suffisamment de sel pour que l'eau ne soit plus à l'état de glace ? Alors ça, c'est en effet une question. On a détecté par radar, en effet, un lac sous la calotte polaire. On pourrait imaginer que c'est un lac d'eau liquide. C'est un résultat qui reste à confirmer, mais en effet, c'est intéressant. On est sûr, par contre, qu'il y a de l'eau sous forme de glace, parce que quand il y a des météorites qui tombent sur Mars, en fait, le météorite, comme il chauffe le sol, l'eau entre en ébullition et donc il y a de l'eau liquide qui sort à la surface. Quoi. Et qu'est-ce qu'elle devient ? Dans ce cas-là, elle s'évapore et puis elle part dans... Exactement, puisque la température est très faible et la pression est aussi très faible, donc l'eau se part tout de suite. L'eau ne reste pas sur la surface. Alors, dit comme ça, ça ne paraît pas très accueillant quand même, la planète Mars. Pourtant, c'est celle que l'on vit, c'est sur cette planète que l'on envisage d'aller mettre le pied. Ça veut dire qu'ailleurs, c'est encore pire. Alors, je pense que quand vous avez passé la voix là, de tout à l'heure de la personne qui parlait de Mars, je pensais à la planète Vénus, parce que dans les années 60, comme Vénus, on la voit pas, elle est cachée derrière une couverture de nuages énorme, très épaisse, on pensait qu'il y avait une végétation luxuriante sur Vénus. Et donc les premières, en fait, on était plutôt intéressés par Vénus. Et donc les premières sondes sont allées sur Vénus, c'était des sondes soviétiques. Et ce qu'on a vu sur Vénus, c'est que la pression, elle est de 90 fois la pression atmosphérique, donc vous êtes écrasé comme une crêpe quand vous arrivez là-bas. Il fait 450 degrés tout le temps, et vous avez des pluies d'acide sulfurique. Donc c'est un endroit assez extraordinaire pour une passion sulfureuse. Oui. Mais c'est un enfer. C'est un enfer, exactement. C'est un enfer. Mercure beaucoup trop chaud. Mercure n'a pas d'atmosphère, donc il fait chaud la journée et froid la nuit. Donc c'est vraiment Mars finalement, malgré ce côté un peu aride et désertique, qui semble la plus accueillante pour un vol habité. Tout à fait. De toute façon, c'est la planète qui est l'une des plus proches, qui est en effet une planète rocheuse avec une atmosphère. Parce qu'après, si on va vers les planètes géantes, c'est que du gaz. Et après, donc il y a des autres. Alors on parle de Titan, satellite de Saturne, un satellite qui a une atmosphère, mais il fait moins 180 degrés et vous avez des océans de méthane. Et puis c'est encore plus loin pour le coup. Et c'est beaucoup plus loin. Ouais, donc là, le voyage serait encore plus difficile. Bon, imaginons qu'on arrive avec, après 6 à 8 mois de voyage, un vaisseau se pose sur la planète Mars. Comment les humains pourraient survivre ? Parce que là, c'est pareil, on ne reste pas 3-4 jours. On passe forcément un petit peu de temps sur cette planète. Comment la vie pourrait s'organiser pour ces quelques premiers colons ? Tout à fait. En fait, quand on va sur la Lune, on y va en 4 jours, on revient en 4 jours. Donc en gros, en une semaine, vous avez fait le voyage lunaire. C'est plié, oui. Mais sur Mars, en effet, c'est 6 mois de voyage. Et il faut attendre en gros 2 ans sur place avant de revenir. Et le voyage dure encore 6 mois. Pourquoi faut-il attendre 2 ans ? Parce qu'il faut que la planète Mars soit dans la même position par rapport à la Terre. Vu que la Terre et Mars tournent autour du Soleil, il faut qu'elle soit de nouveau alignée avec le Soleil. Ouais. Parce qu'en fait, ces deux planètes, la Terre et Mars, ne sont pas toujours à la même distance. Et des fois, elles sont proches, c'est le moment du voyage. Et des fois, elles sont loin. Il faut attendre que l'opportunité se représente de pouvoir redécoller pour rejoindre la... Exactement. Donc, ça veut dire 2 ans sur Mars. Qu'est-ce qu'on fait pendant 2 ans ? Alors, ce qu'on imagine pour les premiers voyages, c'est que ça sera préparé par des robots. C'est-à-dire que les robots vont construire ce qu'il faut pour que l'homme puisse arriver. Et les besoins primaires des hommes et des femmes, c'est un, de respirer, ouais. Et deux, de s'alimenter. Donc on imagine que les robots vont préparer ça. Et une fois que c'est fait, après... Alors préparer ça, c'est-à-dire construire des dômes dans lesquels on climatise pour qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid, dans lesquels on met une atmosphère respirable. On peut imaginer des cultures comme des sortes de serres. Tout ça, ce sont des robots qui le préparent et quand tout est prêt, l'humain débarque. On imagine, parce que sinon, si c'est l'homme qui doit préparer tout ça, c'est beaucoup plus compliqué, et beaucoup plus dangereux. Parce que on a déjà vu, en regardant un petit peu, en lisant, certains comparent ça aux colons qui arrivent en Amérique, par exemple. Sauf que quand on pose le pied sur l'Amérique, eh bien, on peut respirer, on peut manger. Et voilà. Alors sur Mars, non. Et donc sur Mars, vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas manger. Et puis en plus, vous avez tous ces rayons cosmiques du Soleil qui viennent et qui provoquent des mutations et des cancers. Ouais. Mais quand je vous entends, ça paraît hautement improbable en fait, qu'on fasse ça dans les prochaines années, voire dans les décennies à venir. Pourtant, certains envisagent sérieusement une colonisation de Mars, tel le milliardaire américain Elon Musk, dont la société SpaceX produit des fusées et des capsules pour la NASA. Hein, donc ce n'est pas un doux rêveur, il est vraiment impliqué dans des programmes spatiaux. Et voici ce qu'il dit au sujet de la colonisation de Mars. Nous voulons que Mars devienne une véritable possibilité. Nous voulons y arriver de notre vivant pour que vous y alliez. Pour créer une ville entièrement autonome sur Mars, il faut au moins 1 million de personnes. Mais on ne peut y aller qu'une fois tous les 2 ans. Si on envoie 100 personnes à chaque fois, il faut prévoir 10 000 voyages. Il faudra donc compter environ entre 20 et 50 rendez-vous Terre-Mars. Donc il faudra entre 40 à 100 ans pour établir une civilisation entièrement autonome sur Mars. Elon Musk parle d'envoyer ses premiers colons vers Mars assez prochainement. Hein. Dans votre livre, vous évoquez la date de 2024. Hein. Donc, dans 4 ans, selon Elon Musk, des personnes, des hommes et des femmes partiraient, alors c'est l'aller sans retour, vers Mars. Ça paraît complètement délirant. Oui, la date que je donne dans le livre, c'est vraiment, vous avez raison de préciser, c'est vraiment la date donnée par Elon Musk. C'est pas, oui. Moi, je ne fais que reporter ça. Oui, en effet, mais je parlais de Kepler tout à l'heure. Kepler, en 1600, imaginait qu'on irait sur la Lune. On y est allé 400 ans plus tard. Donc Elon Musk est en effet visionnaire, il a de l'argent, il imagine qu'on peut faire plein de choses, ce qui est vrai. Mais je pense qu'en effet, avec toutes les données dont on vient de parler sur Mars, les données factuelles, c'est compliqué. Ouais. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Aujourd'hui, aucune agence n'y pense sérieusement. Il n'y a pas de financement de voyage humain sur Mars. Alors, puisqu'on est un peu quand même dans la science-fiction, hein, on a vu que c'est l'occasion en fait de rêver. Hein, votre ouvrage, on est évidemment, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez un petit sourire au coin des lèvres au fur et à mesure de cette discussion. Il y a d'autres possibilités. Vous évoquiez celle des robots qui préparent le terrain. Il y en a une encore plus folle, ambitieuse, celle de la terraformation. De quoi on parle quand on parle de terraformation ? Alors la terraformation, c'est en effet une colonisation beaucoup plus extrême, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on va transformer la planète sur laquelle on veut aller. Ben, par exemple, on imagine qu'on introduise beaucoup plus de CO2 ou de méthane dans l'atmosphère de Mars pour rendre l'atmosphère plus épaisse, avoir plus d'effet de serre et donc de chauffer la planète, la rendre ensuite plus respirable pour nous avec une bonne température et que les hommes puissent, et les hommes et les femmes, puissent y aller et marcher sans aucune combinaison. Mais ça prend combien de temps de terraformer Mars ? Ah ça, on n'en sait rien, puisque c'est vraiment une théorie sur laquelle on n'a jamais expérimenté. Ouais. Mais on peut imaginer que ça prendrait lors de la centaine de milliers d'années. Ouais. Faut être patient, faut avoir du temps devant soi. Comme solution de repli, si c'était pour évacuer en toute urgence la Terre, ça ne fonctionne pas, la terraformation. Non. On peut imaginer de terraformer la Lune ? Alors, la Lune, c'est encore plus compliqué, je dirais, parce que la Lune n'a pas d'atmosphère du tout. Donc là, il faut construire une atmosphère si on veut terraformer la Lune. Alors après, il y a d'autres solutions. On peut imaginer des sortes de dômes à l'intérieur desquels on puisse se promener sans combinaison et des dômes qui soient assez grands. Ça, c'est possible. Enfin, c'est pas encore dans des programmes concrets, mais c'est possible d'envisager cela. Mais évidemment, créer une atmosphère comme ça À partir de rien, c'est presque impossible. On ne sait pas faire, en fait. Sur la Terre, ça s'est fait petit à petit. L'atmosphère, avant qu'elle devienne chargée en oxygène comme elle l'est maintenant, ça a pris 2 milliards d'années. Donc on serait là, il y a 3 milliards d'années sur Terre, on mourrait tout de suite. Et même il y a 2 milliards d'années, il n'y avait pas assez d'oxygène. Donc non, ça prend du temps de faire une atmosphère. Oui. Alors, Mars, c'est pas pour tout de suite. La prochaine destination après la Lune, est-ce que ça ne pourrait pas être plutôt un astéroïde ou une comète ? Alors, astéroïdes ou comètes, c'est intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup de missions d'agences spatiales qui vont sur les astéroïdes et les comètes. Mais c'est intéressant pour les étudier et pour savoir de quoi ils sont constitués et quelles sont les ressources qui peuvent être intéressantes, par exemple, pour des voyages interplanétaires. C'est-à-dire, l'idée, c'est de, à la fois de comprendre d'où ils viennent, comment ils sont formés, quelle est leur matière à l'intérieur et comment on pourrait les utiliser pour des voyages, pour aller plus loin. Et, parce que du coup, c'est du carburant qu'on ne prendrait pas de la Terre, on le prendrait de ces astéroïdes. Ce serait des sortes de stations-service, des points de relais. Tout à fait. En quelque sorte. Mais la NASA a imaginé envoyer un cosmonaute sur un astéroïde. Ça fait partie des projets dans les cartons. Ça fait partie du projet, en effet, pas financé pour l'instant, mais pour l'instant, les projets financés sont plutôt d'aller sur des astéroïdes, d'en récolter de la matière et de la ramener sur Terre pour l'étudier. C'est plutôt ça, les projets qui sont financés pour l'instant. Alors, il existe peut-être, hors de notre système solaire, des planètes plus accueillantes que Mars, des exoplanètes jumelles de notre Terre. Des vols spatiaux au long cours pourraient-ils emmener un jour des colonies humaines vers ces mondes lointains ? Nous allons partir très loin avec vous dans un instant, Sylvain Chatty. Regardez, franchement, sans vouloir me la raconter, je suis quand même le meilleur botaniste sur cette planète. Bon. Quand on a cultivé une terre quelque part, on en devient officiellement le colonisateur. Donc, en théorie, eh ben, j'ai colonisé Mars. Dans ta face, Neil Armstrong. This ain't easy. Listen, I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long. And all day too, I was waiting for you to come true. Saturday night, cabin fever in House Nation. This is one nation. Under a roof, ain't got the truth. Goddamn this claustrophobia. Cause I should be disrobing ya, yeah, in a woodland glade with the wind in your face. Everybody in the place listening to house music all night long. All day too, I was waiting for you. I was listening to house music all night long. And all day too, yeah, I was waiting for you to come true. This house bound south, it's gonna set you free. House Music All Night Long, c'était Jervis Cocker sur France Inter. Ici Houston, êtes-vous prêt pour la liaison? France Inter. Qu'est-ce qui te manque de chez toi? Du vent dans les synapses. Vraiment personne? Personne en bas qui regarde en haut, en pensant à toi? Daniel Fievé. L'humain a-t-il un avenir dans l'espace? Nous nous interrogeons cet après-midi avec l'astrophysicien Sylvain Chatty, dont le livre « La colonisation de l'espace » vient tout juste de paraître chez CNRS Éditions. La colonisation d'autres planètes par des humains, de nombreux auteurs de science-fiction l'ont envisagé, tel Ray Bradbury dans ses chroniques martiennes, écrites en 1950. Les hommes de la Terre vinrent sur Mars. Ils venaient parce qu'ils avaient peur ou ignoraient la peur, parce qu'ils étaient heureux ou malheureux, parce qu'ils se sentaient ou ne se sentaient pas des âmes de pèlerins. Chacun avait ses raisons. Ils quittaient des femmes, des occupations ou des villes odieuses. Ils venaient pour découvrir, fuir ou obtenir quelque chose. Ils venaient avec des rêves étriqués ou grandioses ou pas de rêve du tout. Mais dans beaucoup de villes, un doigt gouvernemental jaillissait d'affiches colorées pour leur dire « Du travail vous attend dans le ciel, partez pour Mars !» Les hommes s'avançaient en traînant les pieds, quelques-uns pour commencer une quarantaine, car la plupart sentaient le haut mal les envahir avant même que la fusée ne se soit élancée dans l'espace. Et ce mal avait pour nom l'isolement. Car, en voyant sa ville natale rapetisser jusqu'à atteindre la grosseur du poing, puis d'un citron vert, puis d'une tête d'épingle pour s'évanouir dans le sillage de feu, on avait l'impression de n'être jamais né. Il n'y avait plus de ville, on n'était plus nulle part, perdu dans l'espace sans point de repère, sans autre compagnie que des étrangers. Et quand l'Illinois, le Missouri ou le Montana disparaissaient dans des mers de nuages et que pour comble les États-Unis se réduisaient à un îlot brumeux et toute la planète Terre à une balle boueuse expédiée au loin, c'était là que l'on se sentait vraiment seul, errant dans des plaines de l'espace, en route pour un endroit inimaginable. Un extrait des chroniques martiennes de Ray Bradbury, Sylvain Chatty. On l'évoquait, hein, ce problème psychologique des astronautes qui seront confrontés à cet éloignement de la Terre. Oui, c'est vrai. Alors, donc, on a parlé de la station spatiale tout à l'heure. Ils sont à quelques centaines de kilomètres, donc ils voient la Terre. Elle est pas très loin. Elle est toujours là. Ils regardent dans le hublot. Ils voient la Terre. Mmh. Et moi, ça me fait penser aux astronautes d'Apollo 8, ceux qui sont partis, qui ont contourné la Lune et qui sont revenus vers la Terre. Donc, ils ont plusieurs fois fait l'orbite de la Lune. Et en regardant la Lune, au début, ils étaient fascinés par la Lune. Ils prenaient des photos. Ils trouvaient ça génial. Et puis, au bout d'une heure, deux heures. Ils se sont rendus compte que c'était toujours pareil. Il y a des cratères. Ça leur paraissait à la fin quelque peu ennuyeux, rébarbatif, ouais. Et par contre, ils voient la Terre dans ce ciel, la Terre qui est bleue avec des nuages blancs. Et là, ils se rendent compte que la Terre, elle, c'est vraiment un oasis fragile, perdu dans ce système solaire et même dans cet univers, du coup. C'est tout le paradoxe. Ils ont voulu quitter la Terre et puis à peine s'en éloignaient-ils qu'ils se sont rendus compte à quel point ils y tenaient, à cette planète. C'est souvent le cas, d'ailleurs, hein, ouais, quand ouais. On s'éloigne de choses. Alors, imaginons que l'on dépasse ce lien avec la planète et que l'on parte pour des voyages beaucoup plus lointains. Sortons à présent du système solaire, c'est ce que vous faites à la fin de votre ouvrage. On a la certitude aujourd'hui, la preuve qu'il existe des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil, des exoplanètes. Et parmi ces planètes, certains disent qu'on a des sœurs jumelles de notre Terre. En février 2017, on a cru décrocher le jackpot et Hélène Filly ne cachait pas sa joie dans le journal de la matinale. Elles sont sept rocheuses de la taille de la Terre, toutes en orbite autour de la même étoile, TRAPPIST de son petit nom. Les astronomes ont donc découvert sept planètes et leur étoile, un système complet, à moins de 40 années-lumière de nous. Une découverte excitante à plus d'un titre pour Michael Gillon, astronome à l'Université de Liège en Belgique. Ces sept planètes sont toutes à bonne distance de l'étoile pour permettre, en théorie, l'existence d'eau liquide à leur surface, au moins sur une partie de leur surface. Et pour trois d'entre elles qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable de l'étoile, on pourrait même avoir des océans à la surface de ces planètes. Et bon, qui dit eau liquide dit peut-être vie, donc ces planètes ont un intérêt biologique important. Un intérêt biologique important et peut-être aussi une option pour aller s'y poser et établir une base. Mais au fond, Sylvain Chatil, à quel point est-on certain que ces planètes ressemblent à la nôtre ? Ah oui, alors quand on parle d'exoplanètes, il y a beaucoup de types différents d'exoplanètes. Il y a ce qu'on appelle les planètes habitables. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des planètes qui sont rocheuses, qui sont à la bonne distance de leur étoile pour que de l'eau liquide puisse subsister s'il y a une atmosphère, parce que la température est entre 0 et 40 degrés. Donc ça, c'est une planète habitable. Ça ne veut pas dire qu'elle est habitée. On peut très bien avoir une planète où il y a ces conditions et où il n'y a pas de vie du tout. Est-ce que Mars se trouve dans une zone habitable par rapport à notre Soleil, par exemple ? Tout à fait. En fait, Vénus se trouve dans une zone habitable et Mars aussi. Oui, pourtant, voilà. Vénus, ça nous donne une bonne idée. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de ces exoplanètes qui évoluent en zone habitable, elles peuvent ressembler à Mars et à Vénus. On aura fait le voyage pour rien. Hein. Tout à fait. En fait, il faut bien avouer que pour l'instant, les observations qu'on a d'exoplanètes, même si certaines sont de plus en plus précises, on peut mettre beaucoup de modèles derrière. Et en particulier, il y a des planètes dites habitables où ça peut aller d'une planète type Mercure, c'est-à-dire complètement chauffée par l'étoile, à une planète type planète océan, recouverte complètement d'un océan liquide. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment une grande marge d'erreur, je dirais, sur ce qu'on est en train d'observer des exoplanètes. Et à quelle distance de nous se situent-elles ces exoplanètes ? Ah ben, la plus proche se trouve à 4 années-lumière, donc 40 000 milliards de kilomètres. Donc, voilà, ça veut dire que si je me déplace, ce que l'on ne sait pas faire aujourd'hui, mais à la vitesse de la lumière... On met 4 ans. On met 4 ans pour y aller. À la vitesse de la lumière, oui, on met 4 ans. Ouais. Et avec les technologies actuelles Avec les vaisseaux les sondes qu'on envoie les plus rapides actuellement, on met typiquement 60 000 ans. Un voyage de 60 000 ans Allez. Rien que pour y aller. Faut vraiment être sûr de la destination. Voilà, il faut pas changer en cours de route. Là, on est vraiment dans la science-fiction. Aujourd'hui, même une sonde, si on parle même pas de vol habité, même une sonde, il est inenvisageable d'envoyer une sonde vers ces exoplanètes. Ah ben, les sondes à cette vitesse-là, oui, qui vont pourtant très vite, ça va à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Donc, c'est rapide, les sondes. Mmh. Mais non, on peut pas les envoyer là-bas. Ça prendrait trop longtemps. Donc, ça sert à rien de les envoyer là-bas, en fait. C'est de la recherche à trop long terme. Il faut essayer de déterminer notre position. On a évacué le Résolution à mi-chemin entre chez nous et la colonie. Dis juste la Terre. Ce n'est plus chez nous. Entre la Terre et la colonie. Cette planète est très différente de ce qu'on a découvert jusqu'à présent. Je ne sais pas exactement où elle est, mais elle est dans la zone d'habilité. L'atmosphère est respirable. On est proche de la gravité terrestre. Il y a de l'eau. Ça, c'est pas ce qui manque. Les chances de tomber sur un endroit pareil sont extrêmement minces. En gros, c'est comme gagner à la loterie. On est perdu. Sans blague. Extrait de la série Lost in the Space. Des vols au long cours, des vols spatiaux avec plusieurs générations à bord du vaisseau. Ça vous semble envisageable un jour ou c'est absolument exclu ? Sylvain Chatil. Alors, certains envisagent ça, en effet. Alors, encore une fois, il n'y a rien de concret. Personne n'a financé ça. Mais certains envisagent qu'on puisse faire des... Soit, il y a deux possibilités. Soit on fait un vaisseau avec un équipage. Et en gros, on fait hiberner l'équipage le temps du voyage, et puis après, il se réveille et il voit où il arrive. Entre parenthèses, c'est déjà une possibilité dont on ne maîtrise pas. On ne sait pas aujourd'hui mettre des cosmonautes en hibernation pendant 100 ans. Hein. Donc là, vous dites soit comme si c'était, c'était qu'un choix, mais il faut déjà réussir à le faire. Tout à fait, on parle de projet à long terme, c'est quasiment de la science-fiction pour l'instant. Et l'autre projet, en effet, c'est de faire plusieurs générations. Mais c'est pareil, on ne sait pas, pour l'instant, d'abord, on n'a pas fait de reproduction dans l'espace. On ne sait pas comment se passerait la gestation, par exemple, et on ne sait pas comment pourraient grandir après les enfants. Donc c'est compliqué de faire du multigénérationnel aussi. C'est pareil, ça reste à l'état d'imagination, mais pour l'instant, il n'y a pas d'expérimentation qui ont été faites. Oui. Alors si on imagine d'aller coloniser ces mondes lointains, on se dit aussi que l'inverse pourrait être vrai, qu'il pourrait y avoir quelque part dans la galaxie, on va rester dans notre galaxie, même s'il y en a d'autres, hein, des planètes et des étoiles dans d'autres galaxies, mais restons déjà dans notre galaxie. On peut imaginer que des civilisations aient vu le jour sur certaines de ces planètes lointaines, que certaines civilisations intelligentes soient apparues. Et finalement, aucune ne nous a rendu visite. Alors, soit elle n'existe pas, soit c'est rigoureusement impossible, même quand on a beaucoup avancé, quand on est beaucoup plus développé que nous, c'est impossible de faire ces voyages au long cours. Oui, alors en fait, c'était justement un paradoxe qu'avait énoncé Enrico Fermi, le grand physicien, qui avait dit dans les années 50, mais où sont-ils ? Et c'était basé sur le fait qu'une civilisation intelligente, capable de faire des voyages interplanétaires, interstellaires, en gros, rapidement, en quelques, on va dire, dizaines de millions d'années, ce qui est quand même assez rapide, à l'échelle de la galaxie, pourrait coloniser toute la galaxie. Et donc, serait aussi venu ici. Et la question, c'est pourquoi ils ne sont pas là ? Pourquoi on ne les voit pas ? Et en fait, l'une des possibilités de réponse, c'est qu'une civilisation intelligente... Intelligente veut dire qu'on peut communiquer avec d'autres. Mmh. Une civilisation intelligente, eh bien, finalement, ne vit pas longtemps. Et peut-être qu'il y a eu d'autres civilisations intelligentes, mais qui sont apparues avant nous et qui ont ensuite disparu, pour raison X ou Y, et peut-être qu'il y en aura après nous, mais que nous, on aura disparu à ce moment-là. Autrement dit, l'hypothèse serait que nous ne vivrons pas assez longtemps pour développer les technologies qui nous permettront de quitter la Terre et d'aller coloniser l'espace. C'est en effet l'une des réponses à ce paradoxe. Après, on peut imaginer plein d'autres choses, mais une autre réponse pourrait être qu'on est tout seul. Que de la vie, il n'y en a que ici, qu'il n'y en a pas ailleurs et qu'il n'y en aura jamais ailleurs. Ça, on n'en sait rien. Mais au fond, Sylvain Chatty, même si vous avez intitulé votre ouvrage « La colonisation de l'espace », est-ce que vous pensez vraiment que l'humain a sa place dans l'espace ? Ailleurs que sur Terre, puisque la Terre fait partie de l'espace, mais c'est comme vous le disiez, une oasis. Alors je pense qu'en effet, ça sera compliqué de partir coloniser ailleurs. Ça, c'est complètement évident au vu des conditions factuelles qui existent ailleurs, au vu des temps de voyage intersidéraux. Et en effet, en écrivant ce livre-là, je me suis rendu compte, je m'en doutais avant, mais je me suis rendu compte que il valait quand même mieux soigner notre Terre et y faire attention plutôt que de songer à en partir. Aller s'installer durablement ailleurs que sur Terre est encore très loin d'être envisageable. Donc veillons à ce que nous avons et à notre planète. C'est ça finalement le message. On apprend plein de choses sur l'espace, sur l'univers, sur le système solaire dans votre ouvrage, mais on se dit aussi qu'on vit dans un endroit, pour le moment, unique et le seul qui nous soit accessible. Tout à fait. Et on peut aussi mentionner le fait que nous soyons ici, c'est parce que nous avons colonisé déjà la Terre. Donc en fait, on a quand même colonisé la Terre. On n'a pas encore colonisé l'espace, mais nous, la vie est sur Terre. Donc on a quand même déjà la vie, je ne pense pas seulement aux humains, mais à toute la vie, toute forme de vie, à coloniser la Terre. Première colonisation réussie. Réussie. Merci Sylvain Chatty. Je rappelle le titre de votre livre, « La colonisation de l'espace » chez CNRS Éditions. Et je signale aussi qu'il y a un épisode de l'excellent podcast de la rédaction de France Inter, « Poursuite » sur le thème du vol habité vers Mars, épisode proposé par Hélène Roussel. Merci Sylvain Chatty de nous avoir emmenés si loin. Merci à vous. Ainsi s'achève cette première saison du Vent dans les Synapses, un peu bousculée comme nous l'avons tous été ces derniers mois. Nous espérons vous retrouver en pleine forme à la rentrée pour de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures scientifiques. D'ici là, nous gardons le contact via la page Facebook du Vent dans les Synapses, où nous prenons toujours autant de plaisir à échanger avec vous. Vous pouvez aussi nous adresser vos messages sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Et puis pour vous accompagner pendant vos vacances, il y a bien sûr le podcast du Vent dans les Synapses. Bon nombre d'épisodes sont encore téléchargeables. Et ça prend pas de place dans la valise. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, plein de découvertes en tout genre. On se quitte en musique pour mieux se retrouver dans deux mois, je l'espère. C'est Jojoa avec Caipirinha qui nous donne un avant-goût de l'été. Sa Caipirinha, pas de soleil. Caipirinha, pas de soleil. bye. Bye, Jules, bye bye. In love the sky. On sky, il n'y a pas de soleil. Soleil.